100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne Bacar. Ça fait plaisir de te retrouver. Merci Fred de m'accueillir. Comment va? Très très bien. Toujours quand je passe chez vous, Skyrock, c'est toujours un plaisir de venir défendre mes projets. Et ben justement, un projet qui s'appelle Légendaire, qui est dans les bacs depuis là. Tout à fait. Nouveau projet, mixtape Digitep, et qui est sorti depuis lundi sur toutes les plateformes de téléchargement et en édition limitée dans les bacs. Voilà, un peu partout. Si on veut l'avoir, par exemple, si les morceaux vous plaisent, on peut cliquer tout de suite. Tout de suite sur iTunes, directement. Allez-y. Ou commander sur le site de la Fnac, ou aller le chercher en live. Produit du vrai rap français, quoi. Bon, ça fait plaisir de te retrouver, je le disais à l'instant. Merci, frérot. Une soirée avec des sons de Bacar, du live peut-être aussi. On va faire du live avec un invité qui est sur le projet, qui est avec moi. Et tu veux le présenter maintenant ou... Non, on va attendre un peu. Ah, ok. Bon, il est sur le projet, moi je vous dis, je vous ai passé le son la semaine dernière. Ouais. Donc si vous avez écouté, envoyez vos messages si vous savez qui est l'invité, ouais, voilà. Avec le hashtag Skyrock sur les réseaux sociaux, c'est 41759. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, Bacar, raconte-nous un petit peu. Bah écoute, l'année dernière, en octobre 2013 exactement, j'ai sorti le projet Comme un homme que je suis venu défendre ici. Après on a fait des petits concerts, un peu de promo, et puis on s'est remis aussitôt au boulot pour préparer encore un autre projet, une digitape, mixtape, tu vois. Qui a donné naissance à Légendaire. Donc le but c'était de ramener un produit de qualité toujours, mais pas sous un format d'album, plus sous un format d'amusement entre guillemets, tu vois. Donc quand tu fais ce genre de projet, c'est plus je rentre dans le studio, j'ai pas de calcul, je fais de la musique, je fais ce que j'aime et je fais ce que j'ai envie de faire, surtout avant tout, et je me fais vraiment plaisir. Voilà, je calcule rien en fait, voilà. Donc c'est un kiff de faire ce genre de projet. Bon, et donc tout va bien, des petits concerts en ce moment? Pour l'instant, franchement, rien de prévu, mais tout va bien, on est déjà encore sur des nouveaux projets, on essaie de ramener d'être productif et de ramener des trucs un peu nouveaux, un peu plus frais, d'accéder un peu plus sur l'image aussi, et de ramener surtout, avant tout, qui pour moi est important, du message. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que ça se perd, donc j'essaie de continuer dans ma lancée. Dans ta lignée aussi, voilà, c'est ce que tu fais depuis un petit moment maintenant. Ouais. Depuis quand déjà, Bacar? Ça a commencé quand pour toi l'aventure rapologique? Ça a commencé depuis que t'as joué mes premiers morceaux. Et ouais, mon pote, Moi, tu sais, les années, les dates, parfois j'ai un peu de mal. Non, à l'époque, déjà, il y avait Mission Suicide à l'époque, c'est-à-dire sur 97, 98. Ouais, exactement, quand t'avais rentré le morceau en full bordel, j'étais un peu dans mon quartier en train de kiffer et tout ça. Déjà, il y avait ça. Après, t'as bien fait tourner mon blaze avec le fameux morceau classique. Voilà, qui m'a donné un peu la renommée et qui m'a fait ouvrir un peu des portes dans le milieu du rap. Juste pour te dire, je l'ai calé déjà classique, donc si tu veux un moment ou un autre, tu le sens, tu me dis, tu me fais signe. Je suis sûr, on le jouera aussi. C'est on le jouera, ok. On est obligé de le jouer. Bon, mais là, plongeons-nous sur l'actu. L'actu, c'est légendaire, c'est dans les bacs depuis lundi. Voilà. On débute avec un morceau, à qui la faute? On va envoyer un gros morceau hip-hop, à qui la faute. Donc voilà, gros big up à tous les mecs qui kiffent le gros hip-hop, le gros son. Ce morceau, c'est pour vous. Yeah! Planète rap. 100% rap français. Yeah, yeah. Légendaire dans les bacs, iTunes, Fnac, c'est parti la famille. Yeah! Nord, sud, est, ouest, à tous les mecs au placard. Eh, tout le monde! Y'a plus de thunes dans les poches, nouvelle époque. Comme héros H au microphone, j'ai la fin. Eh, Ousni! Je reviens bien jumper les blocs. Je reviens bien jumper les blocs. À qui la faute s'il y a des riches, s'il y a des pauvres? Obligé de passer par la vitre, on va fermer des portes. Je reviens bien sourire les blocs. Je reviens bien sourire les blocs. À qui la faute s'il y a des jeunes enfermés? Et que malgré les diplômes, les accès nous sont fermés. On veut de l'amour dans les blocs, plus de joie dans les banlieues. Tu pourras lire dans les yeux que le racisme est une fausse note. Reste des filles. À qui la faute si on est trop divisé? Parce que les hommes sont des clowns et que les cœurs sont déguisés. Yeah. À qui la faute si l'oseille a pleuvé les âmes? Si les types ont lâché le cartable pour embrasser le diable. À qui la faute si le spliff a remplacé les psy? Si l'amitié est une pute, on porte les Yankees. À qui la faute si les sourires sont rares comme les souks? Et les premières de marcher dessus sur le dernier dessous. À qui la faute si la honte essouffle le courage? Et que les dettes ont taclé ton honneur et que l'alcool soulage? À qui la faute si l'amour est une question de chance? Comme un sniper en version car. Y'a plus de thunes dans les poches, nouvelle époque. Comme héros H, on est en train des notes. Je reviens bien jumper les blocs. Je reviens bien jumper les blocs. À qui la faute si y'a des riches, s'il y a des pauvres? Obligé de passer par la vitre, on va fermer des portes. Je reviens bien sourire les blocs. Je reviens bien sourire les blocs. Depuis quand le respect fait se négocie. À qui la faute si la clope te consume plus vite que tu construis? À qui la faute si les je t'aime deviennent des je te hais? Si nos amis sont nos meilleurs ennemis de plus près. La lumière n'éclaire que de paraître la faute à qui? Une meuf d'enfer te fera pas atteindre le paradis. Il faut qu'on vote, vote le FN pour les blocs et bloquer. C'est pour les blocs, blocs que je fais du rap avec des ulettes. À qui la faute si les foyers sont étranglés par la crise? Certains n'ont pas le choix, remplir le frigo vite, ça passe par le pis. À qui la faute s'il y a plus d'unité? À courir derrière le billet, t'as perdu le militaire. À qui la faute si les rappeurs sont tous des Pinocchio? Bande de Pinocchio. Dans le monopole et que leur compte perso. À qui la faute si l'amour n'aura pas sa dernière chance? Sniper. J'ai bien choqué la foule dessinée dans les poches. Nouvelle époque. Comme ROH au microphone, j'ai la fierté des nôtres. Je reviens faire jumper les blocs, blocs, blocs. Je reviens faire jumper les blocs, blocs, blocs. À qui la faute si t'as du risque? Essaye pas ici, sans concession. Dans la vitre, on m'a fermé des portes. Je reviens faire sourire les blocs, blocs. Je refais faire sourire les blocs, blocs. Grec à la prod. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Y'a plus de tigres dans les poches. Nouvelle époque, faut comme héros H au microphone. J'ai la fierté des nôtres. Je refais faire DJ Maître. Je reviens faire jumper les blocs, blocs, blocs. À qui la faute s'il y a des riches, s'il y a des pauvres? Obligé de passer par la vitre, on m'a fermé des portes. Je reviens faire sourire les blocs, blocs, blocs. Je reviens faire sourire les blocs, blocs, blocs, blocs, blocs, blocs. Planète rap, 100% rap français. Où va le monde? Regarde un peu comment l'argent rend les gens beaux. Regarde tes affres comment l'argent rend les gens beaux. Regarde comment le succès les a rendus pourris. Regarde, ils ont pas d'oseille mais ils savent sourire. Cœur blanc, cœur tendre, cœur léger. On est parti de rien avant de gagner, il faut bien rêver. Regarde-les de culture opposée, pourtant ils s'aiment. Croquant la vie à deux en se brûlant les lèvres. Regarde comment l'or noir fait pleurer le monde. L'espoir a essuyé des larmes et n'efface pas les bombes. Écoute comment je rappe, regarde comment je rêve. Écoute le battement de mes lettres, là je m'élève. Regarde, autant de guerres pour du superficiel. Tellement belle et courageuse, regarde nos mères. Regarde comment un divorce détruit, comment ça use. On regarde même plus nos fautes dans les yeux, donc on s'accuse. On recherche l'évasion, donc on regarde ailleurs. Être un homme c'est regarder ses fautes pour être meilleur. Regarder ses défauts, c'est voir à quoi. Yeah, yeah. Pour savourer le plaisir d'aimer l'instant. Alors je chante. Chacun s'est penché sous nos ailes, aveuglé par nos rêves. Où l'on perd nos repères, frère, où va le monde? On regarde où se fait du mal, on s'aime. On se dit qu'est-ce qu'on s'aime. Je pars où ça nous mène, frère, où va le monde? Chacun s'est penché sous nos ailes, aveuglé par nos rêves. Où l'on perd nos repères, frère, Amélie. Où va le monde? On regarde où se fait du mal, on s'aime. On se dit qu'est-ce qu'on s'aime. Je pars où ça nous mène, frère, où va le monde? Regarde les fusils à l'épaule avec si peu de force. En guerre au lieu d'aller à l'école. Regarde ces gosses. Quand c'est trop beau de l'extérieur, à l'intérieur c'est moche. Tu te fous des autres, normal. Tu ne regardes que tes poches. Tu investis sur l'apparence à en devenir faux. Aime-toi pour ce que tu es, fous-toi du regard des autres. Regarde-les se fuir, regarde-les se nuire. Moi je désire le présent quand je les regarde courir. Regarde-les partir, s'envoler, libre. Regarde-les s'acharner sur les mêmes cibles. Regarde-les s'écrire, juste avec un regard, résister c'est comme sentir ce que tu ne peux voir. Regarde les risques, le pire, eux les hommes de feu. Dire que je danse avec la vie, ouais parfois je m'en veux. Regarde les prendre ta gentillesse pour un bon public. Regarde ceux qui suivent leur faiblesse sur le cœur pudique. Regarde tes femmes faciles, regarde tes hommes faibles. Regarde les risques et leur vie pour une cause maigre. Regarde ses défauts, c'est pour à quoi tu auras pas texte, hein. Pour savourer le plaisir d'aimer l'instant. Alors je chante. Chacun s'est poché son oseille, aveuglé par nos rêves. On en perd nos repères, frère, où va le monde? On regarde, on se fait du mal, on s'aime. On se déteste, on s'aime. Je sais pas où ça nous mène, frère, où va le monde? Chacun s'est penché sur nos ailes, aveuglé par nos rêves. On en perd nos repères, frère, où va le monde? On regarde, on se fait du mal, on s'aime. On se déteste, on s'aime. Je sais pas où ça nous mène, frère, où va le monde? Où va le monde? Dédicace à tous mes petits jeunes avec qui je fais des ateliers d'écriture. Château, on est là. À tous ceux qui m'ont acheté, à tous ceux qui ont acheté le projet légendaire, iTunes et dans les bacs. Merci à tous, la famille. On continue. Yeah! Chacun ses poches et son oseille, aveuglé par nos rêves. On est un européen, frère. On voit le monde, on regarde, on se fait du mal, on saigne. On se fait du texte, on saigne. Je sais pas où ça nous mène, frère. On voit le monde. Chacun ses poches et son oseille, aveuglé par nos rêves. On est un européen, frère. On voit le monde, on regarde, hey, on se fait du mal. Grosse dédicace à Mélissa. Où va le monde? Alors Bakar, où va le monde? Ouais, où va le monde? Bah je sais pas, il va où, mais il va à gauche, à droite, un peu partout en fait. Bon, c'est un extrait de l'album légendaire. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est un extrait de, du projet. Du projet, pardon. Du projet qui est dans les bacs depuis lundi, à iTunes et à la Fnac. Voilà. Donc allez cliquer, envoyez les messages pour Bakar 41759 avec le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Ouais. On peut cliquer pour le récupérer. Il y a aussi un support physique, hein, Bakar. Ouais, c'est ça, il y a un support physique en édition limitée dans les bacs, donc vous pouvez aller l'acheter à la Fnac. Par exemple, ce week-end, si on s'emmerde demain. Voilà, si vous faire des cadeaux de Noël, vous voulez claquer 10 euros, vous y allez. Et bah allez-y. Plaisir. C'est voilà. Du bon son, c'est le son de Bakar ce soir dans la nocturne 100% rap français. Il y aura du live ce soir avec toi, je le disais. Ouais, ouais, avec un invité qui est avec moi, issu d'un super morceau qui me tient à cœur particulièrement et qui est dans le projet, voilà. Bon, on le présente quand? On le présente après le morceau qu'on va envoyer. Ok, c'est quoi alors le morceau? J'aimerais qu'on envoie Légendaire. Légendaire? Ouais, c'est un morceau un c'est peu hip-hop, voilà. Voilà, c'est un morceau un peu sur une prod un peu entre guillemets trap, sur quoi je rappe jamais en fait, c'était histoire de contrer un peu. Ah, toi aussi tu t'es lancé dans la trap? Pas forcément, c'était plus histoire de dire que je pouvais le faire aussi, histoire de, parce que j'aime bien écouter ce genre ce type de musique et que j'avais envie de me faire un petit kiff, une petite récréation, donc je fais le morceau Légendaire et je kiffe bien. Voilà. Justement, t'as quel recul par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a une tendance très trap, même ici en France et tout, on le voit. Je te dirais, faut tout pour faire un game. Donc après, j'essaie de rester le même tout en évoluant dans ma musique, sans me changer, mais en évoluant musicalement, tu vois, en ayant des prods un peu différentes, sans pour autant être trop dans la mélancolie aussi. Voilà, un artiste, ça évolue, ça prend des risques, ça change. Donc on essaie de, mais toujours en restant le même, voilà, parce que je sors d'une école très importante, donc faut pas oublier. Est-ce qu'on peut saluer il est en homme de l'ombre? Il est toujours en homme de l'ombre. On peut saluer sa paire de pompes Adidas. Non, je sais pas. Non, il a changé. Non, c'est des Nike. On peut saluer DJ Maître qui est avec nous dans la partie. DJ Maître, tous ceux qui ont connu l'époque Tefa, Masta, voilà. Attends, il veut même parler. Non, plus, mais il a oublié comment ça marchait un micro. Ah, il a oublié. Ça fait des années, je suis plus là. Ça va? Ouais, ça va et toi? En forme? Ouais, toujours là. Hein. Bah écoute, là. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. C'est vrai que ça fait un moment, hein, tous les deux. En plus, enfin, l'histoire continue, mais. Ouais. Bah écoute, moi je suis pas sur le projet, t'as vu, j'ai arrêté la musique, ça fait une bonne 2 ans, on va dire. Mm-hmm. Un an et demi, 2 ans. Et voilà, la vie suit son cours, mais ça reste mon ami pour la vie. Donc, on est là. On parlait du fameux projet justement avec Bakar, le projet Kilomètre à l'époque et tout. Rose du béton. La mixtape, la mixtape aussi pour les quartiers classiques, tout ça. Ouais, c'était les bonnes années du rap français. Ouais. Après, aujourd'hui c'est différent, mais ça va, si on est toujours là. Est-ce que tu écoutes encore du rap, Master? Ouais, bien sûr. Mm-hmm. Jamais. Comment ça? On est là depuis 1990. On lâche pas. Mais il fait des prods encore, mais il dit pas. Non. Ça y est, c'est fini. Bon, allez cliquer dans d'autres trucs. En tout cas, pour les plus jeunes d'entre vous, allez cliquer. Master, par exemple, ou allez cliquer sur des 2 balles de neige, 2 fois plus efficaces, des projets comme ça. Ouais. Je rappelle aussi, moi j'avais à titre personnel un moment assez incroyable puisque Masta et Tefa, je les ai vus à l'œuvre à l'époque de Diams. Ouais. À l'époque de cet album incroyable en 2006. Ouais, grosse dédicace à Mélanie au passage. Voilà. Ouais, c'était un bel album. Il y a eu des belles choses, il y a eu des belles années du rap français, j'espère qu'il y en aura encore longtemps. Bon, en tout cas, Bakar est là et ça fait plaisir. Là, l'album légendaire. On soutient. Et frais comme jamais. Et on écoute maintenant justement le morceau qui s'appelle Les Légendaires. C'est parti. Légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, Tupac, Biggie, Tupac, dédicace à Laetitia. Légendaire. Romain. Légendaire. Automne. Légendaire. Et que certains ferment leur bec s'ils ont pas un seul classique. Depuis quand faire du rap, c'est fait pour serrer des petites. Ils font les tucks sur leurs disques. En fait, c'est tous des mecs cool. Leurs albums sont trop plats. Normal, ils sont tout pris dans le boule. Et qui connaît notre musique, à part des vrais connaisseurs. Ces derniers vrais connaisseurs deviennent vite des vrais carotteurs. Trop de respect pour la taronne, pour mettre des poufs dans mes clips. J'ai qu'une parole, c'est faire mon job de MC. C'est la crise et les poils sont vides. Ça parle en yaska, plus de valeur et plus de principe. Prêt pour tout rock, le mental d'une carabine. Je combattrai tout ça, chante pour le peuple et pour ma clique. One of Africa, je vais les coucher. Bouger, parce que j'ai des flots qui renversent, je vais les toucher. Bouger, parce que j'ai des messages sincères, je vais les choquer. Choquer, parce que j'ai la plume qui progresse, je vais leur prouver. Prouver, prouver, parce que j'ai des mots qui trompent. Dédicace à mes petits frères. Légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire. Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire. Et que certains cessent leur bluff, dans leur ville se chient dessus. On construit pas une carrière dans une salle de muscu. J'avais Ayam NTM comme repère textuel. Y'a que des swaggers, peu de lyricistes. Voilà les new rap game. Essaye déjà d'être un bonhomme avant de viser la légende. Depuis quand on fait ses lacets avant de marcher sur ses jambes. Il manque fort, fort. Normal que ma vérité ne s'entende pas. Rap fort. J'honore mon job de MC. C'est la crise et les poches sont vides. Y'a peu de vrais gars, plus de valeur qu'il y a du liquide. Y'a plus de famille, y'a plus de respect, plus de modestie. Chacun fait ses choix, j'viens chanter pour ceux qui me stiment. J'suis parti d'en bas, j'vais les coucher. Coucher, parce que j'ai les flots qui renversent, j'vais les toucher. Toucher, parce que j'ai des messages sincères, j'vais les choquer. Choquer, parce que j'ai la plume qui progresse, j'vais leur prouver. Prouver, parce que j'ai des mots qui transpercent. Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, Tupac, Biggie, Wallingo, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire. Dédicace à tous ceux qui font avancer le hip-hop dans le bon sens. À tous les beatmakers, à tous les hommes de l'ombre. Yeah. Planète Rap. 100% rap français. Noam, Maël, Greca, on fait du rap français, hein. Défendre mes idées. Comme toi, j'ai cherché le fantôme de la sincérité. Comme toi, j'ai dû prendre le micro pour défendre mes idées. Comme toi, j'ai cherché le fantôme de la sincérité. Tu n'es pas plus que moi, pourtant je suis bien comme toi. On m'a pas fait de passe, moi j'ai dû me faire masse plein. Mais classique, on fait du sgar. Je rappe ce que d'autres n'entendent pas. Je paierai ce que d'autres ne disent pas. Parce qu'au fond, je suis comme toi. Comme toi, au fond, je suis comme toi. Comme toi, au fond de la classe, j'étais comme toi. J'étais peut-être un cancre à l'école. Rien ne m'empêche, j'ai des crèmes mieux que toi. Tu ne veux pas qu'on se rassemble. On ne peut pas se ressembler. Tu fais croire qu'on marche ensemble. Mais t'es le contraire de l'unité. Tes principes sont dans le tiroir. T'es la banane dans le miroir. Je suis pas comme toi. Le cœur est un contresens à rouler dans le noir. Au royaume de la connerie, je dis que les jugements sont les rois. Les mensonges menottent les hommes lorsque l'amour est un droit. Je suis pas comme toi à faire du bruit. Dans le silence, on ferme les grandes gueules. J'ai sculpté mon troisième doigt pour leur montrer que je leur mettrai tout seul. Au monde de la révolte des sous-sols, je viens graver mon blason gras, refrain. Je suis pas comme toi, comme lunatique. J'ai pas le temps pour les regrets. Pourtant je suis bien comme toi. Tu parles de monde par choix. Normal je suis devant toi. Tu veux me faire la bise, casse-toi. Tu galoges tout ce qui buzz. Ne me sers pas la pince-toi. Va plus t'en serrer tes œufs. Ils viennent te prendre dans leurs bras. Genre des hommes de valeur. Des mon frère par-ci par-là. Alors c'est tous des bluffeurs. Concepteurs de la rotka. Au service des menteurs. Dehors y'a plus de portes qu'à usage que des hommes d'honneur. Comme toi j'ai fait les sangs. Pas à me chercher dans la justesse. Je vais éclairer mes semblables au croisement de mes promesses. Petit frère, je suis passé par là. Je connais la guerre du cartable. À contre-sens des rampants, on critiquera d'incapables. Comme toi, des fois je coupable. Et des fois je me dégoûte. Des fois je doute. Des fois je m'écoute pas. C'est le cœur et puis c'est tout. Les croches patient à tout. Par même les pieds dans la boue. Y'a plus de limite, ça se baise à tout. Voir, c'est le cash et puis c'est tout. DJ Modesti. Yeah, yeah. C'est la nocturne, 100% rap français avec Bakar au contrôle. Le ouais, projet ouais. Légendaire est dans les bacs depuis lundi. Depuis lundi. Tu veux dire un mot sur les gens qu'on bosse avec toi dessus ou pas, Bakar? Bien sûr, les bien prods. Sûr, bien sûr. Les prods, c'est Yassi Drake. Voilà, un ami très proche. Il y a Greka qui a bossé dessus. Il y a des mecs de Belgique aussi qui ont bossé dessus. Sur la version CD aussi, il y a une prod de DJ Maître aussi, très spéciale. Et voilà, c'est la famille. On bosse normal, on fait de la musique normale. Donc, on bosse entre nous. Et il y a une prod de Nino aussi sur le morceau Daybreak. Bon, oui, je crois qu'il est grand temps à minuit 40 de présenter ton invité, Bakar. Ouais, celui qui est présent sur l'album aussi. Ouais, mon invité, c'est Béné. Voilà, Béné qui figure sur le titre L'Issue. Donc, je vais laisser. C'est un grand garçon. C'est vrai que maintenant, c'est un grand garçon. Yeah. Ça va, Béné? Ça va, et toi? Fait plaisir de te voir, en tout cas. Plaisir partagé. En forme. Alors, il y a un morceau qui est incroyable, qui est en fait l'issue, qui est une suite du morceau. De l'impasse, ouais. De l'impasse avec Kerry, où, bah voilà, Béné a grandi. Béné a réfléchi. Réfléchi, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, à la base, déjà, on avait fait un morceau sur mon album Rose du Béton avec Kerry qui s'appelait N'incite pas. Voilà, c'était un peu dans cet état d'esprit. Après, Kerry, il avait fait un morceau qui s'appelait l'issue. L'impasse, plutôt avec Béné. Et j'ai voulu faire entre guillemets une suite par rapport à N'incite pas et à l'impasse qui a donné l'issue. C'était une période aussi où on continue encore les studios avec Masta et on a eu cette idée là. Et on l'a proposé à Kerry qui a kiffé le concept. Mais au final, il a pas proposé de couplet tout simplement parce que j'ai fait le tour dans le morceau. J'ai un peu clôturé l'histoire. Et on s'est dit pourquoi pas faire l'intro. Et donc Kerry, il a fait juste l'intro. C'était important parce que c'était la suite d'un de ses morceaux. Donc fallait qu'il mette sa griffe dessus. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts à faire en live maintenant? Ouais, on va faire un petit live. Donc Béné, t'es chaud? T'es moyennement chaud? Chaud. Envoyez les messages avec le hashtag Skyrock, le 41759. On nous dit des bons beats, du texte. Et oui, c'est Bakar, ouais. C'est Bakar, il est là. On attaque donc ce morceau qui est sur le projet. Voilà, il est sur le projet Légendaire. Et le clip aussi est dispo. Donc vous pouvez aller le voir sur YouTube. Bakar. Oh Bakar, comment va? Grosse dédicace à notre enfermé. Ça va, Fleury Fren. Quelles sont les nouvelles? Les Gomez, Mecman. Tranquillement, on avance. T'oublie pas, frérot. J'ai croisé l'autre en plus. La dernière fois, il me disait que t'avais des nouvelles de Big Béné. Up, allez. Ouais, le petit Béné, le petit frère, je l'ai croisé dernièrement, il y a pas très longtemps au quartier. Ah ouais. Yeah. Et puis en fait, il y a eu plein de changements de son côté. Je vais t'expliquer. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, Béné, ça sert tenir les études. Tu t'es trouvé un taf, tu t'es diplômé. Car de nos jours, des issues, y'en a pas des milliers, Béné. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, ça m'a servi de faire des études. Je me suis trouvé un taf, je me suis diplômé. À l'époque des issues, j'en avais pas des milliers. Hey. Mais ton défi, mais l'instant s'écrit. Pour être sincère, je te félicite, tu t'en es sorti. Comme quoi la réussite n'a pas de couleur. Comme quoi on peut mettre un visage sur chaque douleur. Qui aurait cru que t'y arriverais? Toi le petit frère qui avait perdu la raison pour les billets. À l'époque tu avais les mains plus que sales. T'as même failli noyer tes proches dans un bol de larmes. Mais tu as su te ressaisir quand t'as remarqué que le business était juste là pour détruire. T'as pris des coups comme t'en as donné. Tu t'es fait balancer, c'est ce que Kerry te prédisait. Et ouais Béné. Et quand tu dedans y'a personne qui t'aime réellement. Et quand t'es rien y'a personne qui t'aide réellement. Je peux comprendre que t'avais peu de choix. Tu veux sortir du quartier, t'as tes deux pieds, tes deux bras. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois Béné, ça sert tenir les études. Tu t'es trouvé un taf, tu t'es diplômé. Car de nos jours, des issues, y'en a pas des milliers, Béné. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, ça m'a servi de faire des études. Je me suis trouvé un taf, je suis diplômé. À l'époque des issues, j'en avais pas des milliers. Le temps s'écoule aussi vite que l'argent s'épuise. Le sourire de ta mère seul te maintient en équilibre. T'as décidé de lâcher la main d'une esbille. Tu t'es recentré sur ta voix pour reprendre goût à la vie. Dans la passe, t'écoutes et n'incite pas. Puis t'as repris les cours, même si c'est dur, tu t'es dit que tu résisteras. Tu as laissé le terrain pour des cours de soutien. Franchement Béné, est-ce qu'à l'époque tu te souviens? Ouais, je me souviens avoir déconné. Avoir mis mon navire en danger pour des billets, ouais. Je sais, j'ai fait du mal à ceux que j'aimais. En pleine obscurité, j'ai mis du temps pour être éclairé. Yeah. Aujourd'hui j'ai changé. J'ai pris conscience que l'illicite c'est pas ce que je visais. Dans cette spirale, j'ai réussi à m'échapper. Et dans cette impasse, mon issue, je l'ai trouvé. Béné. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois Béné, ça sert à tenir les études. Tu t'es trouvé un taf, tu t'es diplômé. Car de nos jours, des issues, y'en a pas des milliers. Béné. On a perdu des proches pour des thunes. Tu vois, ça m'a servi de faire des études. Je me suis trouvé un taf, je suis diplômé. À l'époque des issues, j'en avais pas des milliers. Eh, Black à la prod. Gros big up à lui. Eh, à l'instant en live avec Béné, avec Bakar. Ouais. Gros live sur Skyrock. Merci à vous, Béné. Merci beaucoup. À toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi, la 2015 qui approche? 2015, on fait toujours de la zik, hein, tu vois, mais il faut bien taffer à côté, donc voilà, on est là. Eh bah très bien, on va suivre ça en tout cas. Ouais, gros big up à Béné. Gros toujours, big up à vous les frères. Toujours fidèle à lui-même. Grosse dédicace à l'équipe YD Dooms. À tous ceux qui veulent acheter le projet. Et Baguet Bandito derrière. Aïe. Projet légendaire, dispo en Fnac, sur iTunes. Allez-y, vous pouvez vous procurer. Bakar, juste avant de se quitter. Dis-moi. Est-ce que je peux me faire deux kiffs? Deux kiffs. Deux, vas-y. Deux kiffs. Le premier commence comme ça. Ah ouais, j'ai ça, droit. Ça, je pense que. Ça, c'est un classique de la nocturne aussi en vrai. Ah, c'est un gros classique de la nocturne. Ouais, en vrai, c'est ça. Je me rappelle de ce morceau-là quand on l'avait envoyé chez toi. Bloc. Ouais, gros big up à tous les blocs. À tous les mecs enfermés. One love. Tu vis dans un engrenage et les rouages. C'est en 2005 ça. Bloc. Mais qu'est-ce que tu vas dire au proc que c'est la faute du bloc. Willux. Du fil et ta fille se consume comme un bloc. Tu tires des grosses taffes, tu paranoïes et là tu bloques. Dans le bloc on escouade les marches, y'a pas de standard dans les immeubles. C'est pour ça que les queues de joints sont écrasés au sol. C'est tous les jours le 25 tous sous les halls, l'impact de 16, une ambiance. Ils se moquent et s'y posent, et ils sont en longueur de journée. Ils sont pas cons, ils ont tricard qu'un schmitt leur a demandé un toucher. Même pas un coup de peinture, les murs sont pas la vraie d'injure. Du genre on baisse le proc et le juge. Sous les immeubles ils se mélangent pas entre petits et grands. Les interphones sont bousillés, ils s'appellent en sifflant. Ils apprécient les gâteries dans les caves et qu'il faut s'y fêter leurs bénéfices. Avec un verre de champagne, ils sont bien dedans, personne leur casse les couilles. Leur langage est coté, ils savent que la flécaille les écoute. L'oseille trouve pas entre les marches, ils savent que le bloc 1 les pousse à suivre le bloc 2 qui est la bicra. Yeah. Tu vis dans un engrenage et les rouages se bloquent. DJ Maître à la broc. Bloc. Mais qu'est-ce que tu vas dire au proc que c'est la faute du bloc, bloc, bloc. Tu deals et ta vie se consume comme un bloc, bloc, bloc. Tu tires des gros staffs, tu paranoïes et là tu bloques, bloc, bloc. Il sort du bloc d'immeuble, il est temps de bosser les thunes. C'est pas ta paix du Thomas qui ira faire ta mais ta famille. Tu prends le kit de la débrouillardise. En parallèle tu te crées ton économie, gros bonnet dans le bus. C'est simplement être amené au pied du mur. Tu bosses à ta manière pour éviter le frigidaire vide. Plus t'en prends, plus t'en fais manger. Tu mets à gauche et tu stops à temps, ça peut t'éviter de plonger. Tu sors du bloc pour pigraver le bloc pour éviter de finir au bloc à cause d'une cave pour. C'est dur de vivre avec une paye d'usine. Tu prends des thunes avec du vis ou un fusil pour éviter que le civil tricarde ton dièse. Mais Fred, elle est pour toi celle-là. C'est que l'écharpe cachant tes lèvres. Le bloc 1 te pousse à la bicrave et le bloc 2. Mais si la boucave tire la ficelle, c'est le bloc 3. Tu vis dans un engrenage et les rouages se bloquent. Bloc, bloc, bloc. Mais qu'est-ce que tu vas dire au proc que c'est la faute du bloc, bloc, bloc. À tous mes petits du château des Vaux. Tu deals et ta vie se consume comme un bloc, bloc, bloc, bloc. Tu tires des grosses taffes, tu paranoïes et là tu bloques, bloc, bloc. Tu squattes le bloc d'immeuble. Ta bicrave le bloc de la démerde. Te v'la coincer au bloc de la santé. On te fait passer ta conso trempée dans de l'huile que tu rechiras pour consommer dans ta cellule. Ton seul dialogue est l'écriture. Yeah. Quelques photos et des posters de cul. Viennent tapisser tes murs. Ouais, ouais. Tu bouffes, tu dors, tu smokes le zut là. Tu fais des pompes histoire de prendre un peu de bras. Tu savais bien que t'es pratiqué le coup du savon. Intelligemment sous les douches, tu donnes pas ton dos. Tes potes t'envoient de la fraîche pour cantiner. Après le parloir, le maton te fouille le cul, te fait douser. Et tu savais que la poule c'était chaudard. Tu marches l'œil dans le dos car la première se soignard. Tu sors du bloc pour vendre le bloc pour finir au bloc. Un chemin classique dans la plupart des blocs. Skyrock. Un engrenage et les rouages se bloquent. Bloc, bloc, bloc. Mais qu'est-ce que tu vas dire au proc que c'est la faute du bloc, bloc, bloc. Tu deals et ta vie se consume comme un bloc, bloc, bloc. Tu tires des gros staffs, tu paranoïes et là tu bloques, bloc, bloc. Ouais mon tas. J'espère que ce morceau sera un classique dans vos blocs. Et sur Skyrock aussi hein. Car chacun de vos faits et gestes sont représentés par mon bloc-note. Bloc-note, bloc-note, bloc-note. Gros big up à Fred de Skyrock et à toute l'équipe. La Nocturne avec Bakar au contrôle de La Nocturne. J'avais dit deux kiffs. Ouais, je connais l'autre. C'est quoi? Il y a plusieurs sons. Hein? Il y a plusieurs sons, c'est ça? Ah. Bon, ben pareil. Vas-y, envoie. Ok. Ouais, vas-y. Bah, j'envoie alors. Tu m'as dit j'envoie, j'envoie. Vas-y, frérot. Bakar avec nous dans La Nocturne. Avant de se quitter, avant de finir avec un morceau de légendaire. On va pas évoluer, change de face. Mais chaque époque a ses classiques. Old school, new school. Et ouais, on est arrivé comme ça, on a cassé une vitre, on a innové. Hey, aéroport de Bogota, Paris au top avec Butch, kilomètre et Mato, Mac Music, hey, DJ Butch. Ça fait plaisir de kicker sur ce classique, une spéciale pour mes causes, car t'es d'un Ox Butch. Hey Butch, si t'as pas la dalle derrière sa pose, c'est pour mes serres en foulard et les ambiances au yo-yo. Un couplet crade, sorti de la vega. T'inquiète pas, j'ai peut-être des petits bras. Mais j'ai la tape pas, fuck les maisons de scud. Et leur magie du tiroir, c'est l'aile bouche de Trejard qui marche dans l'anonymat. Truc de fou, truc de dingue, truc de fêlé, truc de malade, fuck le Ben. Fox Arco, on est tous cordas pour Masmala. Et nos royas qui marchent droit depuis le 11 au point du doigt. Les bulbars en chichéia, vert, jaune, rouge. Un ghetto, crapauds, big up. Les ghetto yachts, un gros wad dans l'état voyou. Pas besoin de fumer pour trouver l'inspé. Et frôle au chien, tu je carbure à l'air pur. Les lésites ne va pas avec sniper, Mercus, si tu veux shooter, je te roule un spliff de mesure. Les pifs changent de main, fais leur passer le monde. N'hésite pas à se salir pour alimenter le frigo. C'est la dèche, on attend le jour de paix. Le drapeau blanc pour symbole de paix. Je véhicule un tas de tristesse dans le couplet. J'y mets de la finesse, y'a des gosses qui peuvent écouter. Certains dans la luxure ont le regard noyé. Regardez bien ce que la souffrance vous la voyez. Imagine une prunelle dans la face à Le Pen. Ce fils de putain mérite qu'on l'enterre. Imagine en Thaïlande tous les gosses qui tapinent. S'ils légalisent le pédo, ça vendra la cocaïne. Imagine, je l'avais dit, imagine l'Algérie qualifiée en Coupe du Monde. Imagine tous ces mômes qui meurent de famine, 30 ans, l'espérance d'une vie au Brésil. Ok. Je suis venu toquer à leur porte. First night. Je leur ai dit, c'est le roloto des blocs. Faut tout pour faire un monde. Passe une proche. Je te la découpe, je lui casse ses côtes. En mode guerrier comme sur les sentiers de Beyrouth. Pas car c'est le cas de Bléda. J'avance à petit pas. Dégage. C'est pour la mif, Arbeya au village. C'est pour les bonhommes. Et les petites canailles. C'est pour ceux au placard, surtout garder le panache. C'est pour les frères qu'on la voit. C'est pour les petits Zidane. C'est pour ceux qu'on plastique pour éviter le sida. C'est pour les futurs fidèles et les futurs imams. Hey. Est-ce vraiment de la tristesse que tu lis au fond de mon regard? Dis-moi, j'ai pour nos morts quelques rimes à dédier. Big up, Kerry. En quelques mots, c'est un hommage à tous les quartiers. Les armes apportent que dalle à part la mort. Si tout le monde lève le poing, c'est qu'on est tous d'accord. Sachez que jouer du flingue n'est pas un jeu, mais ceux les députés venaient faire un tour en banlieue. Yeah. Combien de bavures commis sur un bronzé, combien de frères tabassés et combien d'étouffés, combien de mères en pleurs, combien de frères en tôle, combien de femmes innombreuses dans une petite piole. J'ai mal et ça se ressent dans mes écrits, toute ma jura est contenue dans tous mes titres. Le temps défile assis peinard sur un banc, mais bon, en attendant mon encre coule autant que le sang. Une spéciale pour mes remparts contents trimés. Je n'oublie pas d'où je viens même si j'ai signé. Grosse dédicace à tous mes supporters, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui font avancer le vrai rap français. Grosse dédicace à la nocturne. Yeah, on continue, on lâche pas. La vie d'en bas n'est pas tous les jours facile. Y'a les proches qui partent et les problèmes de famille. Ibrahima, Kérim, Kati, Aboubakar, Jérôme. On n'oublie pas tous ceux qui sont partis. Quelques rires versés à des amis que j'aimais. Je me rappelle de ces fous rires qu'on a partagés. Le temps passe et je continue de vous aimer. Votre présence nous manque si vous saviez. Shuriken. Comme la bombe Hiroshima 45 quand t'apprends que ta carine a 14 millions. Tous ces bâtards politiciens mafieuses. Putain ta usine qu'est-ce qu'un t'es la santé de nos vieux. Hardcore. Lorsqu'un ami donne ton blaze en garde-taps, fils de but tire un trait sur l'époque du cartable. Hardcore. Comme un molard sur le drapeau français. Hardcore. Comme cette taupe qui circule en sachet. Hardcore. Comme ces prêtres qui violent des mômes à l'église. Hardcore. Toutes ces bouches qui parlent mal des musulmans. Al-Qaïda gagne les échelles contre New York. Hardcore. Comme l'autre connard qui ratira en pleine terre. Hardcore. Quand un poulet se fait retirer en banlieue. Hardcore. Car j'ai le son qui met la pression. Hey. Des vieux, y'a ma voix dans les enceintes. Y'a le chétan qui t'entraîne dans la descente. Y'a ceux qui cherchent un peu d'amour avec des billets. Y'a ceux qui n'ont pas été décorés, faut pas les oublier. Y'a mon place qui tourne, y'a ceux qu'on zen poudré. Y'a les bouffons qui ont rien à branler à part jouer les poupées. À la peinture, y'a mon place gravé. À la tienne, on se prend un verre au café. À la santé, ta liberté. Y'a la France, t'as une tête envers l'Afrique, tu sais. Y'a des choses à ne pas faire, y'a les types à ne pas inciter. Y'a l'album dans le four, y'a la tape, 11 octobre. Hors de question de lâcher, t'inquiète, je me crampe. Dédicace à Dreux. Kilomètre et bout, j'ai ma tome explosif et ma musique. 28 au contrôle de la nocturne. Des sans flots qui rappent mal, moi je reste classique. Bakar, car c'est la loi du point final. Merci Bakar d'être passé. Merci à toi frérot. Dans cette nocturne, comme d'hab, on rappelle que le projet légendaire est dans les bacs depuis c'est lundi. Ça. Depuis lundi, édition limitée dans les bacs, il sera iTunes et toutes les autres plateformes. Voilà. Et ben merci d'être passé. Une merci grosse à dédicace toi. À toi, ça fait toujours plaisir de te voir. Grosse dédicace à vous, à toute l'équipe et continue à faire du bon taf, c'est cool. Bon, donc 2015, tu penses à quoi pour 2015? 2015, j'ai un nouveau projet qui arrive. Projet, quelques dates peut-être aussi? Ouais, j'espère aussi, avec une finalité d'un nouvel album, j'espère, pour fin 2015. Et rappelle-nous, on peut te suivre Bakar là, pour les gens. Voilà, donc tu as Twitter @BakarOfficiel, Facebook pareil @BakarOfficiel tout simplement, Instagram @BakarOfficiel et sur mon site, parce que j'ai un site internet qui maintenant est ouvert. Donc c'est www.bakar-officiel.com. Je répète, www.bakar-officiel.com. Toutes les news, les exclus, c'est ici et nulle part ailleurs. Merci Bakar, on conclut avec merci ce à toi, morceau frérot. Qui commence comme ça. Voilà. Grosse big up à Emerson. Eh ouais, la vie est courte, mais bon, c'est la vie, hein, la famille. Donc un gros one love, DJ Maître à la prod. Peace. Merci Bakar. One love à tous ceux qui ont perdu des proches. Voilà, la famille c'est important. Donc gardez ce qui est plus cher que vous. Peace. Nocturne, dans un instant on passe un coup de fil à Seth Gecko en Thaïlande. Là c'est Alonso, même tarif. Mame, yeah, ok. Un deux, nerveux, un deux, casse. Mais pas de doune, mais le gilet pare-balles. Bienvenue à Marseille, tenu ton GPS. Si tu fais la balance, rafale, tu payes pas, tu dépenses. Rafale, vagina sous, des nègres sous écrou. Tu mérites tout, si tu nous regardes mal. Cocaïne dans le naso, mec, t'es trop de hachis dans les réseaux, guette. Téléphone big, tu m'appelles Dimpix. Tu vas cramer la salope qui t'héberge en deux heures. Parle-moi en como, t'es les pimpons. Parfum, coulo, t'es les pimpons. Sacoche, piton, pifton, chichon, canon, codo, t'es les pimpons. Muslim, donc je peux grec, cachette. J'prends tout euro, dollar, shekel. 15 ans, grave, sans baisser de diesel. Et 15 ans, j'savais que j'allais tout baiser. Et j'aime la couleur de ma tenelle. Christian Dior ou Chanel. J'suis tellement parti que la marque sponsorise toutes mes femelles. Cartel, parle au fait avec Basel. J'prie tout ce grand échafaudage que vous appelez la tour Eiffel. Voiture voilée en Italie, Fiorano, Pinipinelli. Et avant de fusiller, laisse-moi finir mes fusillis. Raquette, braquage, vol, prison, raid, c'est le même tarif. Comor, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, poète, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pars, tu clash, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même, c'est le même tarif, c'est le même tarif. Renouvelle ma RS. Bientôt mes sacs poubelles seront des Hermès. T'as pas d'oseille, l'air de te faire yesh. J'ai l'arme chimique avec la cervelle, la CRS. J'suis dans un 12 étoiles à Marrakech. J'suis cargo chinois, t'es canard pêche. J'suis dans les hautes herbes des hautes sphères. Rendez-vous dans quelques mansions, 20 ou 30 caisses. Ils veulent mon trône, à m'en empêche. Sa mère est une école, paye-moi en espèces. Ils veulent mon trône, à mon empêche. Leur faire un cul en hexagone, Sénégal côte ouest. Raquette, braquage, vol, prison, raid, c'est le même tarif. Comor, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, poète, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pars, tu clashes, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le l'as pris sur eBay. Je m'en fous de vendre, le but c'est de tous les enterrer. Tu fais le potago, c'est une atrocité. Tu fais le potago, c'est une calamité. Ne commence pas une guerre si t'es pas sûr de la gagner. Comme tout avec Goon, c'est une kerba qui te fera tomber. Pour t'oublier, attends, je passe un coup de fil. L'attachement c'est pour les fragiles. Raquette, braquage, vol, prison, règle, c'est le même tarif. Comor, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, poil, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pars, tu clashes, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Nocturne avec Bison et le morceau qui s'appelle Limitless, ouais. Maintenant dans La Nocturne, juste avant de passer un coup de fil à Seth Gecko et Jason Voorhees dans La Nocturne. Limitless, FOST, Général, CHS. Je m'en bats les couilles des embrouilles de tes papas, les rappeurs. Depuis quand j'obéis, dois valider les rappeurs. T'as rien pour moi, laisse-moi faire mes euros. Négro, t'es chelou, va là-bas jouer tes héros. Ego démesuré, tu crèves là où je vis. T'as une grosse équipe, t'inquiète pas de soucis. Mon crew, mon clan, mon possi, le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite, je ne connais pas mes limites. Le rap ne milite plus, il se prostitue. Les MC ne m'intéressent plus, non plus de face qui tue. Qu'est-ce que tu vas devenir sans ton shit? Qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire si tu cherches ma clique? Accorbé, ça parle de millions. Beaucoup de types ont touché le million. Les refs d'ici ne parlent qu'en chiffres. Quand tu parles de meuf, ils parlent de bif. N'est pas la genre impossible pour toi de te balader seul tout à la Cora. Génération de ta bête, génération de marionnettes. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Rares sont les braves, nombreux sont les lâches. Les refs sont vaincus avec leur tissage, ego. Les refs ont perdu avec leur teinture, ego. C'est la mode de mettre la pression aux anciens. J'en suis un, s'il te plaît, viens faire ton malin. Trop de jalousie, trop d'hypocrisie. Trop de calomnie, trop de bouffonnerie. Tellement aigri par la tournure des événements. Le rap en fin de mission comme un malade bourré de médicaments. Je me barre de ce mouvement, il est rempli de fils à maman. Guerrier dans l'âme, guerrier jusqu'au drame. Pédale dans l'âme, Tarlou si t'as pas d'âme. Cours de Muay Thai pour descendre l'adrénaline. Inspire CHS pour le finish line. Si tu vis à crédit, tu es mort dans le film. Si tu chagues tout l'équipe, t'es mort dans le générique. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon cou, mon corps, mon poussi. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite. Je ne connais pas mes limites. Mon coup, mon plan, mon possible. Le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je m'arbite. Je ne connais pas mes limites. Limitless, limitless. D7, D7. CHS, CHS. Limitless, limitless. D7, D7. Ok, okay. Blanc, musique, blanc. Bison dans La Nocturne 100% rap français, Limitless. Blood, music, blood. C'est la suite de la nocturne et on s'est dit qu'en ce vendredi soir, c'était bien de faire un petit tour du côté de la Thaïlande, voir quelle est l'ambiance du côté de Phuket avec monsieur Seth Gecko en ligne. Comment ça va, Seth ? Ça roulotte, ma couillasse, on est là. Ça roulotte. Bienvenue dans la nocturne. Toi, tu es en direct de Thaïlande puisque c'est désormais ta deuxième maison, ou peut-être même la première, je sais plus. Ouais. En direct de... Ah ouais, c'est mon havre de paix. C'est voilà, c'est le moment où tu es là, tu es détendu, où tu as aussi ouvert un bar, je crois, et peut-être même un deuxième bientôt. Ouais, ouais, ouais, là, c'est tout récent, c'est un nouveau bar qui se situe sur Patong, l'avenue principale qui s'appelle Bangla Road, voilà, parce qu'il y a des reportages télé qui ont induit un peu les gens en erreur, ils pensent que je suis basé à Pattaya, mais moi je suis bien à Phuket. Ouais, toi c'est Phuket. Pattaya c'est pas pour nous, nous c'est Phuket, nous. Et bon, on va revenir sur le bar dans un instant, tu vas nous raconter cette aventure assez incroyable, mais je voulais aussi que tu introduises, entre guillemets, celui qui est en ligne aussi avec nous, pas très loin d'ailleurs de chez toi, mais on a dû l'appeler, c'est quelqu'un qu'on connaît à tes côtés, on a balancé déjà le morceau sur Skyrock dans la nocturne. Présente-nous monsieur Jason Voorhees qui est là aussi par téléphone. Ah bah Jason Voorhees, c'est le chaînon manquant entre Seth Gecko et 25G. C'est un artiste qui vit avec moi en Thaïlande que j'ai pris sous mon aile. Parce qu'être un artiste, c'est aussi passer le relais et mettre la lumière sur des autres talents. Voilà, c'est un artiste que j'affectionne tout particulièrement. Je me retrouve sur la pochette de son CD, c'est sorti le 17 novembre. Mmh. C'est pas cher pour les paris. Et voilà, c'est incroyable. C'est incroyable mais vrai. Jason, tu es là, tu es avec nous, tu es connecté. Ouais, je suis avec toi, Fred. Bon, toi aussi, t'es en Thaïlande, hein. En même temps, c'est une conférence call. Ah oui, connecté avec la Thaïlande, avec d'un côté de l'île, Seth, de l'autre côté, il y a Jason. Ça va bien, Jason ? Ça va, tranquille pour toi. Hein. On est au bar, là, ça lousse. Hein. Ah, donc toi, t'es au bar aussi, hein. Ça y est, t'as commencé. Là, ça y est, j'ai commencé, là. Très bien. Le bar de Sky à la main, c'est parti. Alors, Seth nous parlait de toi à l'instant. Parle-nous aussi un petit peu de toi, un petit CV express, Jason, avant de partir pour la Thaïlande. T'étais où? Tu faisais quoi? T'as sorti quoi? Bah écoute, moi j'étais dans un label qui s'appelle Bamba Fondation à Nice. Et voilà, j'ai commencé avec eux. Puis après, bon, la vie a fait que je sois parti à Phuket. Heureusement, mon frère, c'est Gecko. Et voilà, donc ma vie maintenant est là. Et voilà, c'est beaucoup mieux que la France. Hein. Beaucoup mieux que Nice, le 06, beaucoup mieux que le 06. Ouais, le 06, ben là, tu, je pense que tu connais Buzz Lyrity, ouais. Gac, Monsieur Agas, tout ça. Et voilà, donc j'ai rappé plusieurs années avec eux, et voilà, maintenant j'ai l'année au chrome, au top, à Phuket, tranquille. Donc, alors la journée, ça ressemble à quoi? Il y a un peu de boulot, vous rappelez quand même un petit peu, que ce soit pour toi, Seth, ou pour Jason, peut-être un petit mot. D'ailleurs, Seth, tes journées ressemblent à quoi, en fait, en Thaïlande? Bah là, ces derniers temps, c'était l'ouverture du bar, donc ça m'a pris 6 mois de travaux. Donc on était sur le chantier, et puis le soir à l'ancien bar que j'ai, parce qu'on a jonglé ces 2 derniers mois sur les 2 bars, l'ouverture du nouveau, la fermeture de l'ancien. Donc il s'appelle comment le bar, le nouveau ? Seth Gecko Bar, tu peux pas le louper. Comment ? On a mal compris, vas-y dis-moi. Seth Gecko Bar. Ah bah, Seth Gecko Bar, c'est simple, on le trouve à Phuket. Ceux qui vont partir bientôt en vacances, qui vont aller prendre le soleil, le Seth Gecko Bar. Venez glousser au bar. Et puis l'après-midi, bah là, c'était l'album de Jason aussi. On a mis 1 an à le faire. Et on est en studio tout le temps à kicker. Voilà, c'est pas pour eux, parce qu'on est loin en Thaïlande. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu rappes toujours? Et je leur réponds, je dis, mais c'est comme si tu voyais Rocco et tu lui demandes s'il bande toujours. C'est dans le sens. C'est un beau comparatif. Voilà, donc Gecko rappe toujours. Il a fait un album de Furio aussi qui est enregistré déjà, le mien. Mais toi, c'est pour 2015, c'est pour un peu plus tard. Ouais, j'attends le moment opportun. 2015, on va finir le travail qu'on a commencé. Et sinon, donc là, si on veut entendre du Gecko, c'est avec Jason Voorhees qui est dans les bacs depuis le 17 novembre, hein, Jason. Non, ouais, ouais. 17 novembre. Depuis le 17 novembre. Tu veux nous dire comme des petits pets. Ouais, tu veux nous dire un petit mot dessus justement, Jason, sur la façon dont il a été fait en Thaïlande, en même temps en gardant un pied en France. Vous renseignez souvent de ce qui se passe ici en France, les gars. Bah moi, ça fait 1 an que je suis retourné en France. Et franchement, ça me manque pas du tout, quoi. Ça fait rester à Phuket tout le temps, quoi. C'est étonnant. Après, bon, y a normal, y a la famille, les gens qui mangent. Ouais, Seth, vas-y, on t'écoute. Les gens pensent qu'on est... qu'en étant à Phuket, on est coupé du rap. Et grâce aux réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, on reste connecté avec le public. Et en étant dans mon bar à Phuket, je reçois peut-être 100 Français par soir différents. Mmh. C'est comme si j'étais en tournée, en fait, dans la France tous les soirs. Tu vois, on tout le temps proche au contact des gens, des Français qui aiment le rap. Et que même peut-être ceux qui n'aimaient pas forcément cette déco, ils rencontrent le rap. Et d'un seul coup, voilà, si Fred, si tous les gens que j'ai rencontrés en Thaïlande, avec qui j'ai pris des photos, avec qui j'ai bu des coups, et que tous les gens que j'ai été voir dans leur province pendant ma tournée en France, ils achètent mon nouvel album, je pense qu'on va faire un très très gros score. Là c'est quoi, double 10 de platine qui se prépare, quoi, minimum, hein. Ouais, nous on est dans le robot. Moi j'aime bien la Jonkai, c'est okay. Disque de Jonkai qui l'attend, le gecko. Bon, ben on découvrira ça en 2015. Sinon, donc Jason Voorhees est dans les bacs depuis le 17 novembre. Jason, toi qui bosses aussi au bar, c'est quoi la spécialité là, par exemple, l'une de tes grandes spécialités? Bah, l'une de mes grandes spécialités, c'est de descendre les verres de Sky à vitesse phénoménale, quoi. C'est une de mes spécialités. et la deuxième spécialité, c'est de veiller à ce que les danseuses dansent bien, qu'elles soient belles tous les soirs pour faire plaisir à nos loulous, quoi. Bon, bah donc très bien. Donc là, t'es au boulot. La soirée s'annonce plutôt bien du côté de Phuket, au 7 Gecko ouais. Bar. Retenez bien, si vous partez là prochainement en vacances, bah pour croiser Jason Voorhees, pour croiser 7 Gecko tous les jours, non? Tous les soirs, on est là-bas, on fait de la présence. Tous les soirs, donc là-bas, direction la Thaïlande. Et puis peut-être en France, Jason, tu comptes revenir quand même à un de ces quatre ou pas tout de suite? Pas tout de suite. Peut-être milieu d'année prochaine, mais c'est pas sûr. Bon, en attendant, donc il y a le projet de Jason qui est dans les bacs là depuis le 17, qu'on peut se procurer. Ouais. Trouvé dessus plusieurs fois en featuring, même sur la pochette d'ailleurs. C'est vraiment donne un gros coup de pouce au frérot. Et dessus il y a Escobar, sur qui aussi moi j'ai posé dans son album qui sort en 2015. Donc on pourra me retrouver cette année avec aux côtés d'Escobar Mason. Et il y a Rimka du 113 qui est venu aussi, voilà, ça c'est des amis proches que j'ai dans le rap, c'est Rimka et Sobar, donc ils sont venus filer un coup de main à Jason, là, mais ils l'avaient validé avant quand même, que les gens sachent que voilà, il y a Al Capote dessus, 25G et Fréco Dingue, voilà, ce sont les invités que j'ai ramenés dans l'album de Jason, lors de la réalisation. Et moi, dans pas longtemps, vous allez me retrouver aussi en featuring avec Cozy, avec un gros clip, moi je vais rentrer en France pour faire... quelques clips avec des artistes de France. Donc toi, Seth, on t'attend. De la part des palmiers, il me refaut du bitume un peu, Fred. On t'attend de retour en France prochainement pour 7 Gecko. D'ici là, bah, j'ai envie de vous dire, éclatez-vous bien au 7 Gecko bar. Mais a priori tout se passe bien. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct de cette nocturne. On va faire une petite sélection d'ailleurs, parce que là on parlait de morceaux. Il va y avoir une sélection de Jason Voorhees là tout de suite sur Skyrock, plus quelques morceaux aussi de 7 Gecko là pendant une petite 10-15 minutes facile, largement. C'est mortadelle. Vous voulez passer un petit dernier mot aux gens qui nous écoutent? Passez au bar, on vous attend. Et puis si vous venez pas au bar, c'est nous qui viendrons dans votre ville pendant un concert. Il n'y a pas de souci. On est là, on est au contact du public. Merci à tous. Jason. Merci Fred. Enfin, merci à vous tous. Et venez nombreux nous voir au bar et achetez l'album de Jason. 17 voilà, novembre. Depuis le 17 novembre, c'est dans les bacs, l'album de Jason Voorhees. Merci à vous deux. Merci Pierre. Et à très vite en Thaïlande ou ici en France, comme vous voulez, on choisit. Ciao. Ouais, ça marche. Planète Rap. 100% rap français. Ça c'est pour mes jeunes anciens, mes mauvais garnements, qui foutent la riate en bas de leur bâtiment, en état délabrement. Les buts sont en mode écartement, tu connais notre département. Si t'es un zinc, que t'as grandi dans le coin, ça sauvé par le gang. Ce qui nous intéresse, c'est pas ton tiroir, qu'est-ce mais le coffre de la cuban. Question de drogue, tu le sasses dans le sud-est, on a l'offre et la demande. Les buts sont en mode écartement, tu connais notre département. Si t'as un malheur, on arrive pile à l'heure, sera sauvé par le gang. Mars. On sort de Garda avant les Nargans. On sort du Star grâce à Cohen Sabran. On ouvre le point de champ en le sabrant. On lève les bécanes en les cabrant. Des punchlines à tous les cartons. Lunettes sur le gland, je lis sur tes lèvres en les écartant. Braco, studio, partout, on est partant. La chatte à Sylvie Vartan. Moi et Bardis, on se comprend, rien qu'en se regardant. Autour du cou, j'ai pas de carcan, que des bijoux clinquants. On ferme les portes en les claquant. On pointe pas tout lâchis. Riche ou pauvre, quand on chie, on a tous des yeux de noachi. Ça c'est pour mes jeunes anciens, mes mauvais garnements, qui foutent l'arrière en bas de leur bâtiment. En état délabrement, les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'es un zinc, t'as grandi dans le coin, ça sauvé par le gang. Ce qui nous intéresse, c'est pas ton tiroir caisse, mais le coffre de la queban. Question de drogue, tu le sasses dans le sud-est. On a l'offre et la demande. Les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'as un malheur, on arrive pile à l'heure, sera sauvé par le gang. Les couilles mytho, t'en as pas. Je coupe un kilo dans l'appart. Écoute du Fredo Santana. Et roule un bédo sans tabac. Zin, ça fait bam, bam, bam. Comme Al Pacino dans la passe. Y'a quelqu'un qui veut prendre ta place. Prends-toi ce pruneau dans ta face. Ça, ça fait bam. À la table des négoces, y'a Jason Voorhees. Allez, faites vos mises. Ne faites pas les belles gosses, ma bite dans vos gorges, je vais vous faire vomir. Tu fais le caïd, tu te prends de trois gifs, puis t'appelles la police. Ils vont faire pisser, puis savoir j'ai de la drogue dans mon métabolisme. Crois pas ce que je vais te dire, ça c'est exagéré. Au quotidien, dans le bar à 7 gays, j'ai plus de 20 pétasses à gérer. Hey. On plante le videur, on s'en branle dans votre plan de rigueur. Devant le store, liqueur, plein d'arabes de cul de blanc et de négueux. Ça c'est pour mes jeunes anciens, mes mauvais garnements, qui foutent l'arrière en bas de leur bâtiment. En état délabrement, les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'es un zinc, t'as grandi dans le coin, ça sauvé par le gang. Ce qui nous intéresse, c'est pas ton tiroir caisse, mais le coffre là que vend. Question de drogue, tu le sasses dans le sud-est. On a l'offre et la demande. Les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'as un malheur, on arrive pile à l'heure, sera sauvé par le gang. Mars. Qu'est foisin, qu'est disin, à l'ourasin, c'est Jason dans tous les vagins. Qu'est disin, qu'est foisin, à l'ourasin, c'est Jason dans tous les voisins. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ok, ok. Monstre, monstre. Néo Chrome All Star 06. J'envoie mes punchlines comme des javelots. T'as les seins qui applaudissent, la chatte qui crie bravo. J'construis ma villa, j'suis réveillé par les travaux. Tu t'es couché avec ta villa, tu t'es réveillé avec un travelot. J'ai les gros comme un pitbull qui mord les mollets. Mord et mord et on veut de la money money. Ces idiots flics nous surveillent derrière les volets volets. Les kilos de shit on frôle aux oreilles. Gros bonnet bonnet. La femme de ta vie bosse dans notre bar comme c'est bête. Arracheur de sale dealer et maintenant procès net. Depuis hier soir pour toi c'est plus comme avant. Non. Ma bite dans ta gorge t'as une pomme d'Adam. Mise ma compagne avec du champagne et crème de cassis. Pour Boris, ça sera juste un verre de pastis. J'suis sur bouquette avec la mine de 7 et bar 10. Penalty dans ta tête avec une paire de hachis. J'suis comme Turner Afida perdu dans la spirale. Chez moi le mot CC veut pas dire Claudia Cardinal. Tu fais des traces de drogue mortelle avec ta carte vitale. Fonce des hauts pollen, la rapta est radicale. Pas de molconnel, la sodomie est pyramidale. Connu dans tous les nouveaux tels, valorise à Pigalle. Égal de colonel, le garde à vous est matinal. Écarte tes jambes de sauterelle, ouvrant tes amygdales. Que des fausses vues dans le rap games, hein, y'a tant de mythos. J'ai la voix grave comme Twin Gambino. Tu peux m'appeler quand t'as 46 flots. J'pilote des T-Max comme Valentino. Attention, Néochrome ne débarque pas d'un bateau baleinier. Si un sale magot a gagné, faut qu'on soit premier sur le drapeau à damier. Euro ou dollar, il doit we trust, ouais c'est le must. Charbonne toute la nuit, puis le breakfast avec Buzz. Chaque dada, c'est mon dada. Chaque mérine, c'est mon daddy. J'bande dur comme les godada. Le Camagra, c'est mon ami. Sers pas de vodka, fraise ta gada, moi c'est Giaconi. Dolce Gabbana. Rihanna, Balenciaga et Zanotti. Viva Zapata, comme mes bijoux, je suis mal poli. La dernière fois que j'ai fait des abdos, c'est quand j'ai vomi. Pas prêt de faire thérapie à cause d'un tapin Adas. Si tu me clashes, pénalty dans ton crâne avec patin à glace. Insomniaque même avec des somnifères. Ici tu sais que le mal prolifère, salam. Nique sa mère la politesse, j'ai trop rappé pour des clopinets, salam. Demandez à vos minettes, je leur fais le même effet que Johnny Depp, salam. J'ai le charisme à roche qu'ils aiment, je fume dans un masque à oxygène. J'encule des queens autrichiennes, ainsi que les skins et la police. Libérer la Palestine, mesquine, t'as un regard de chiot triste. J'suis dans ma bulle comme un autiste, j'suis dans ma bulle comme un autiste. 9-5-9-1-0-6, y'a des petits vendeurs et des grossistes, salam. Yeah, yeah, Al Capote, Seth Gates, Brute Épaisse, Jason Voorhees, Neo 6, Mars. Explicit lyrics. Fly. Capuché, capuché, capuché, capuché, capuché. Rimka, Jason Voorhees dans les bacs. Jason avec Rimka. Jason Voorhees, des caractères réels et casse ton matériel. Foulariat depuis la maternelle, y'avait pas d'internet. Fumeur de zat devant l'éternel. Attends, je t'explique, sers-toi un verre de bière. Quand je fais du pis, y'a peu d'intermédiaires. Pas quantité sans qualité, je suis l'entité de la cavité. Si tu t'amuses à nous prendre de haut, va te prendre au vol, ça va te coûter cher. À 14 ans, j'avais la coupe au bol. Comme un jeune tchétchène, fallait pas me chécher. Ils ont pas compris que c'était un vrai sport. Ces rappeurs et tort veulent faire le même score. Nos mixtapes, c'est des best-of. Avec vos têtes, on joue au baseball. Si y'a plus de navire, je bête une belle forme. Jason Voorhees, il est en pleine forme. Sud-est, envers du décor. Jette ton corps dans le Vercors. C'est pour mes cousins que je performe. De chaîne Balbouze et un sign porte. Calibre 12 qui te perfore. Chérie, t'es douce, t'as de belles formes. T'as de la chance, je caresse le long de ta jambe. De ligote la nuit dans ta chambre. Jason Voorhees, il est attachant. Pas maintenant, arrête de faire ta petite Kardashian. Même si t'es aussi bonne, tu Kim Kardashian. C'est Jason Voorhees qui garde l'argent. Y'a pas de casse-tête, une seule pastèche. Je te brise la mâchoire. Il faut le trouer comme une passoire pour stopper Voorhees le hachoir. Ah, qui c'est le mort Voorhees? Qui c'est le mort Voorhees? Qui c'est le mort Voorhees? Le hachoir. Tu veux de la peufra? Tu veux le tarot? Un peu de weed dans une gare. On n'est pas dans la marron, j'évite le barreau. Je suis en roue arrière, sur Banglaro. Je rentre dans la cabine, sur air cabine. Je passe par la douane, la brigade canine. Je suis hawaïenne, petite limonade. C'est pas de la bière, tu veux du bicarbonate. Fais le fou, t'en as plus rien à foutre. Sur les deux roues, sans les mains. La mort, elle peut t'oublier aujourd'hui, mais elle ne t'oubliera pas demain. Demain. C'est là, c'est pour le Hebs. Tous les billets qui perdus au cercle. Tous les bons nous a perchés en Thaïlande. On brille à Lady Boy par les fesses. Y'a pas de casse-tête, une seule pastèche. Je te brise la mâchoire. Il faut le trouer comme une passoire pour stopper Voorhees le hachoir. Ah, qui c'est le mort Voorhees? Qui c'est le mort Voorhees? Qui c'est le mort Voorhees? Le hachoir. La nocturne 7-5. Après Jason Voorhees et Seth Gecko. J'ai connu ton père. Voici monsieur Jarod, c'est dans les bacs depuis cette semaine. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. Je suis le 7-5, j'avance comme un tank. Sur eux, sors, j'essarre de la banque. Et ne t'en peux plus, tu veux mouette. Dis-le, tes potes disent, tu peux le faire. Fais-le, moi et Nerf, on les pèse. On pense qu'à guetter la faute, donne-nous juste une occasion de tout perdre. On va se faire plaisir avant de rentrer en tôle. Pour du cash, on rap. Je passe pas ma vie sur le net. Follow, si je bosse pas pour one, c'est que j'ai des choses à F. Solo, si cette fille me traque, j'ai pas la tête à plaire. Salam, elle veut pas me chez là, parce qu'on lui vend du rêve. Sur WAM, c'est Panam, on arrive en ballon, on va les wets sans gants. Je marche calibré que des mecs sans gants. Je suis là pour peut-être 100 ans. Tu connais les bails, arrête de faire semblant. Tout ce qui nous manque, c'est la maille. Juste mon oreille, fuck ton équipe, caraille. On sait que tu racontes ta life, fuck ton oseille, même si elle est un plus à life. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père. J'ai connu ton père, tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais te faire un cas en plein panin. Gava tu brasses, tu vénères, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais de blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse queue, tu vas te faire poser. Ils ont pas de saucé, ils vont pas te sauver. Mon gars, c'est comme As, j'arrive solo, j'ai peu de partenaires, j'ai ma bande. International comme un communiste, comme un club de foot, comme un gang. J'ai porté les putes, tu sais que j'ai porté les putes. Ils savent de qui j'parle, mon gars, c'est comme As, on a grandi dans le tchèque sans marquant des buts. J'suis dur en affaires, comme mon gars va croco. J'respecte les mecs qui font le taf, qui parlent pas dans le vent comme mon gars loco. J'suis solo dans le game. Je suis boycotté par des gays, en vrai les gays valent mieux que ces grosses putes, promis bientôt je vous F la regret. Wesh, tu te comportes comme une pour prendre des cash qu'on pourra avoir des muscles. Wesh, tu dis pour une casquette. Wesh, tu fais le fou, tu discutes. Gaba, sors un truc, fais chose gueule. Wesh, t'as la tête d'un SS. Gaba, si la juge me laisse faire, je te fais un trou de la taille d'un fessel. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais te faire un câble. En plein panin, Gava, tu brasses, tu vénères, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais de blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse queue, tu vas te faire poser. Ils ont quatre saucés, ils vont pas te sauver. Jarod dans la nocturne, 100% rap français. J'ai connu ton père. Le son du rap français continue dans la nocturne avec Siana. 60, on dédicace Cray, Sian Arabica, maintenant dans la nocturne, 100% rap français. La nocturne. What a me. Amour, on enlève l'autotune, tu laisse-moi kicker, baby. J'ai grave la pêche, faut que je me taille un week-end à Casa en passant par Marrakech. Car en France c'est grave la dèche, on cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BBS, donc avec moi je ramène mon gabouna. Je suis toujours à la furebeu, je suis toujours dans la queue. Depuis que t'as entendu mon débit bizarre, mon gars, vas-tu ne jacques plus. Je prends toujours parti pour mes potes, mais là mon gars t'abuses. À chaque nouveau couplet je les chope comme mon gars va M.O.H. la ruse. Mehdi Benatia, dealer, tous les chemins mènent à la S-Rom. Ils aimeraient tous rapper comme moi, donc jusqu'en cabine ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai c'est un mal pour un bien, les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Un Siana c'est Khatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Arbi sont tous al cette année, j'ai en tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année je vais être fort tout comme le drapeau algérien. Mon son c'est de la frappe comme le pilon marocain. Les rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. Deuxième couplet, je me barre à Alger. Okay. En passant par Wallon, de nos jours, ce sont les moins âgés qui sont le plus dans le haram. Je mets à fond dans la religion. Donc j'enchaîne les rappels, mais quand j'en parle à mes potes musulmans, je me rends compte qu'ils m'écoutent à peine. Nabila a dit allô. Bukhara, Christophe, Wero, fils à fond, les sous la carrière et des punchlines à la NIRO. À trop prendre les choses à cœur, on va tous rester sur le carreau. Je leur vends tellement de rêves, les maisons de disques veulent que je baisse le tarot. Peut-être péter les dirhams, arabe monnaie dans ma pocket. Je bosse avec le numéro 7 pour finir Uno de la compète. What's up, mon rebeu? Dis-moi, c'est quoi ta vie? J'aimerais voir mes refrains refaits à zeler comme des Qataris. Siana, c'est Khatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Arbis sont tous al cette année, j'ai en tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année, je vais être fort tout comme le drapeau algérien. Mon son, c'est de la frappe comme le pilon marocain. Des rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. Je suis invincible, c'est bientôt la fin du game, je suis indécis. Yo imbécile, faut investir, arrêtez de poser des questions imprécises. Oh oh oh, c'est acide, à une leçon de feu ils assistent. Chaque freestyle, je les attriste, je suis validé par Hafid. Sania, dealer, on ira jusqu'au sommet. J'ai plus le temps de déconner, faut que je mette un terme à tous mes projets. J'en mets évite la pression. Hey, pose pas trop de questions. Si tu veux que je fasse un vrai son, faut qu'il y ait moi comme un gesson. Oh, si Anna c'est Qatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Harbi sont tous al cette année, j'ai en tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Mehdi, ça dit quoi? Ça dit Siana, c'est de la bombe atomique. Siana dans la nocturne. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Maman veut des petits enfants, mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long, change, répète. Mon papa veut du bif. Maman veut des petits enfants, mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long, change. Je vais tous les terrasser, je vais tous les terrasser. En sunshine, au long tranquille, je les attaque et les raser. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. J'crois que c'est l'heure de nickel rap game. Ouais, ma trappe va les dépasser. Trop de bâtards n'ont pas cru en moi. Mais la mixte va leur donner tort. Génération 90, 23 piges que tu le veuilles ou non. Gros, c'est moi le plus fort. J'sais que j'suis pas une resta, donc arrêtez de m'aduler. Faut m'en charger, bleu, les mains du lait. J'vous baisse tous, j'vous dois rien. Y'a que maman qui m'a donné du lait. J'les entends tous dire que j'suis qu'un effet de mode que j'vais pas durer. J'm'en bats les couilles, j'vais voir une chouin. J'hésite entre la manix et la drax. J'ai un coach gay illimité. Je baisse des prods à gogo. Casse la démarche dans le hood. Fais le malin au Kosoa et gogo. Ouais, sale bâtard, négro, je suis un deuxième. Na lobby, NASA deuxième. Je fais de la trappe, chine des autographes sur des putains de tarpes. Je taffe la semaine, je reviens le week-end. J'enregistre un son et je pars dans ma grotte. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspi. Ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Me casse pas les couilles, je rentre dans ta chatte et je crache direct. Bah ouais, j'ai pas le temps. J'ai RDV avec Nida. Putain, y'a trois salopes qui m'attendent. J'ai prévenu mes potes, enlevé mes bottes, enfilé la pote, la tête sur mon bob. Cette salope m'a dit ouais gradure je te la gobe. Ma bite s'est levée aussi vite que ma gomme. Tous ces bâtards de fouteux qui nous regardent travers dans la boîte avec leur gros salaire. Maintenant ils ont plus club aujourd'hui, aucun diplôme. La roue a tourné, bâtard tu galères. Je crois que je suis le seul à faire des millions de vues. Et ton gorota, bah ouais, qu'est-ce que t'as cru, petit fils de pute? Moi j'ai jamais rien attendu du rap. Alors où je t'écris, ce sont le principal. Pendant que je galère dans la caserne, toc toc toc, ça frappe à la porte. Encore un soldat qui veut de la verte. Plus je rappe à peine, plus je sors de la merde. Et forcément, ces bâtards me jalousent. Ils m'ont vu entrer, ils pas m'assembler comme dans les interviews. Ils m'ont pris pour une tarlouse. Vas-y, viens, tête à tête, moi je t'attends. Non, je parle pas, j'ai gay, je suis black, frais, talentueux, un peu comme Paul Pogba. Le bif et la gova, Balotelli, Lee et sa gofani dans mon lit. Je veux pas qu'elle partage mon vin comme J-Max et Noah Lunzi. Moi je veux qu'on partage une nuit. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long, change, répète. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants. Mes soldats veulent de la weed. Et cette salope veut son sac long, change. Fais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser, prends sunshine au long tranquille. Je les attaque et les raser. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Négro, j'en ai assez. Je crois que c'est l'heure de nickel rap game. Ouais, ma trappe va les dépasser. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne.

C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Encore un jet de plus qui met sur un jet dans le bas des sous. C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Sous ma semelle. La dure cogite, oh, tu finiras sous ma semelle. La brute aussi, oh, tu finiras sous ma semelle. Sous ma semelle, c'est la nocturne 100% rap français avec Gradure, avec Cozy et Monsieur Black Brut. C'est son morceau à l'instant, Black Brut, qu'on dédicace dans la nocturne. Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Sonoff. Dédicace à Sonoff maintenant. C'est la merde ici, l'enfant de la balle. Ça finira à coup de bague. J'ai plus de temps pour les miguets, y'a plus de place pour les pourparlers. Je pense que ton boulot est blague, mais toi, regarde comme je suis paranoïaque. Je sacrifie les boulets, les rôtir sur leur matraque. Tout est white, avec moi c'est paradisiaque. Mais raconte pas ta life, monte dans la chambre d'Ayat. Je grave ma vie, je représente ma ville. 9-3, tu sais très bien. L'argent ça va, ça revient. Gros, je crains rien, je suis algérien. Chez moi ça tire, chez toi ça chill. Les keufs me cherchent, mais que veulent-ils? J'ai le hot blood comme un mec des îles. La belle vie, c'est tout ce que je désire. Joe, laisse tourner la prod. Demain, je suis convoqué chez la proc. Je fume des spliffs avec mes potes. Un seul but, je vise le top. Si je te crache dans les cheveux, ça fera try and die. Je contrôle le jeu. J'y m'appelle pour t'enterrer. J'ai de la peine, t'es endetté. J'préfère un bonhomme en VTT qu'une grosse salope dans un TT. Ouais gros, y'a du bise à faire. Appelle-moi d'un taxiphone. Nique ça, rum les 35 heures. Tu te casses au dos pendant que l'état chiffonne. J'vais tout prendre pour appeler. Quitte à les pendre, tous les baffés. Mais ce commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. J'y vais tout prendre, tout rappeler. Quitte à les pendre, tous les baffés. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Je rappe ma vie, je représente ma ville. 9-3, tu sais très bien. L'argent ça va, ça revient. Gros, je crains rien, je suis capverdien. T'as plus de news. Mon phone est dans ma fouille. J'flirte avec le meurtre. Il va pleuvoir des douilles. Occupe-toi de mon ventre et de ma paire de couilles. J'fais de l'aquaplaning sur leur chatte. Tellement elles mouillent. Dites aux keufs d'arrêter leurs photos pendant leur patrouille. Le rap pourra reposer en paix avec pas d'ennemis. Pour la pole position serait une. Avec les grosses thunes, schizophrène dans l'attitude. J'suis pas fait presser sur le bitume. Je suis pas fait presser sur le bitume. S-O-N-O-F-N pour faire des tubes. Je vais tout prendre, tout rappeler. Quitte à les pendre, tout fait baffer. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Je vais tout prendre, tout rappeler. Quitte à les pendre, tout fait baffer. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Je vais tout prendre. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Ah, c'est la nocturne 100% rap français. On y va pour la nocturne. Alors attention. On y va, ouais, allez bien. On y va. Le mec, il est pas en galère déjà, ça s'entend pas. Alors, Fouidou, qu'est-ce qui se passe? Marie de la radio. Pendant la nocturne. J'ai oublié de monter le volume.

voyage, y'a des membres sur la corde, alors je passe en the one. Le one, le one, y'a des membres sur la corde, alors je passe en the one. Le one, le one, le one. Passe, le split, venga, ahora venga. Si no quieres, chame te pega. Tire mi mano en tu cara, cara. Chica, chica, pero, chica, que, chica, le pasa. Mierda, que tú sabes moi de fum. Pas de hash, de gondia. Pero, oh, de te de basso, a mí no me importa. Si tiene mucha, chica, chica, pas. Ah, tout ça, explique pourquoi t'es si pressé, tu sais qu'à peu près. Il y a plus une perte de long. Attends, calmement, que Gucci n'aime de décoller de sa bouche sans prendre la haine. Mais quand tu l'as, ne m'entends pas. La fumée en plus fort, tu sais, je ne supporte pas. Je me fâche, le prends et les crasses cachent. Quand on t'en met, dis-toi, toi, t'es crasse pour être, allez, vas-y. Passe de loin, je fais passe, passe de loin. Passe de loin, j'ai des membres sur la corde, alors je passe. Passe de loin, le one. Passe de loin, j'ai des membres sur la corde, alors je passe. Passe de loin, passe de loin. C'est sympa, merci, j'en attendais pas tant. C'est gentil, j'apprécie, mais là, je suis sincèrement parti pour laisser passer mon corps. Un steak de plus et mon cerveau fini dans l'arrière-cour. Je suis fracas qu'on calme, raison de moi, je suis dans un état, comment dire, très proche du coma. Cependant, j'avoue que c'est pendant ces moments que je suis le plus créatif, sûrement. Dans ce cas-là, j'augmente le volume, râle, le style, les fumées, ne faut pas qu'ils se consument seul. C'est une coutume, mais passe the one, passe the one, passe the one, sur la corde, alors je passe pas the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one, passe the one. Dernier son de la nocturne 100% rap français. C'est l'heure du SPLIFF classique avec Big Red dans la nocturne 100% rap français. Non mais c'est la tête, tu t'es libre et t'es force. Travaille ou est force, fais les bénéfices quand tu pions. Tête, tu t'es libre et t'es force. Travaille ou est force, fais les bénéfices quand tu pions. Fais des bénéfices quand t'es pion, step, force. Qui te dit mettre un pouce? Quand va loin, force. Fais des bénéfices quand t'es pion. Bring bang de l'anglais, c'est la S-P-I-R-L-I-N-F. impulse fort, laisse-moi le dévorer par les chacals. Mon cycle est naturel. C'est pas hard, tout ce que je dis tu le sais déjà. Par contre si t'es pas comme moi, prends ça comme une mise en garde. Une grosse mise en garde. Cabal ouais, j'fais des bénéfices quand t'en mets. Tu vois ce que je veux dire? Bon ok, j'pose mon paquet de riz là. Crois-moi que c'est pas pour rien non man. Je crois un bout de ton cas. Non, j'préfère les foot marocains. Oh merde, y'a plus de salade. C'est pas grave, le chocolat c'est bien. Y'en a que ça rend malade, mais moi ça me met bien. Tu vois ce que je veux dire cousin? La putain de France des deux putains de sa race dans le sud des merdes. Ça me ronge le cerveau là, man. Ça me ronge les poumons mec. Mais ça me met bien. Qu'est-ce que t'as les mecs? Je suis chiardé dans mon canapé, no man. Mais attention, je ne peux pas me parler de conneries, man. Je marche au vert et rien d'autre pour me mettre. Tire des dans mon canapé, no man. Eh mais calmez-vous là. 2h10. C'est la fin de la nocturne, 2h11. Nocturne prolongée. Nocturne prolongée. Nocturne prolongée. Nocturne prolongée. Nocturne prolongée. Pépère, jusqu'à 3h. Vous êtes dingue ou quoi? J'ai une femme, j'ai ma vie. Quoi. C'est fini pour la nocturne 100% rap français. Merci à vous tous, fabuleux. Tu reprends le contrôle de la nocturne. Dédicace, attends. Dédicace à fabuleux, à Fab, à Mehdi qui était là. Bah ouais, on est là et on est Al. La nocturne, elle continue. La nocturne, elle continue. C'est la fin de la nocturne. Merci à vous tous. Merci à Mehdi, merci à Ross qui était là, merci à Greenleaf qui était dans le coin. Le mec va jusqu'au bout, genre ouais, bonsoir. À Dams, salut, merci. À Rodrigue, merci à la Guapa. Moi je vais aller jusqu'au bout, alors pareil, la nocturne continue. La nocturne continue dans le bureau là-bas, tranquille. À l'antenne, la nocturne elle continue. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne 100% rap français sur Skyrock, c'est fini. Non. Le dernier. Non, c'est fini. Après, vous allez pas être d'accord sur les sons et tout, donc ça va être le bordel. Le dernier. Prochaine nocturne dans une semaine, 100% rap français. Bah les couilles, vous pouvez faire où, c'est fini. La nocturne 100% rap français, fabuleux, il est dans le coin, ouais, tranquille. Merci à vous tous pour vos messages, c'est fini pour la nocturne. Rendez-vous lundi entre 20 et 21 avec Abdel Malik et le film Kala bénisse la France qui sort le 10 décembre. On en parle dès lundi et prochaine nocturne dans une semaine. Ciao, bonne nuit. Skyrock, premier sur le rap.